Au cours de la nuit des pauvres, un diplomate demande au comte de Ganache, dont l'aspect est positivement lamentable, en quoi il est déguisé. « En homme qui ne mange pas à sa faim, » répondit le comte, d'une voix merveilleusement lasse. « Que c'est amusant. Bravo, vieux. On jurait que c'est vrai. Bah, qui veut la faim veut les moyens. « Oui, » intervint joyeusement la petite marquise de la mode jumelée, « mais quand on en a les moyens, on n'a pas faim. » Cette délicieuse et spirituelle répartie fut hautement appréciée, et c'est à qui se répandrait en propos laudatifs. Cette petite marquise, quand même, quelle classe, quel esprit. Oui, et pas l'esprit de l'escalier, l'esprit de garde-manger, et de rire de plus belle. Sur un divan, le front barré d'un pli soucieux, une jeune femme demandait à son mari, « Dites-moi, très cher, est-ce qu'en amour, les pauvres prennent aussi du plaisir ?»« Oh, pas comme nous, ma chère, aucun rapport. Ah, tant mieux, parce qu'alors, il aurait fallu trouver autre chose. » Une grande jeune fille, toute guenille dehors, battait le rappel de ses amis. Puis, mystérieuse, des yeux brillants, « Savez-vous en quoi le vieux marquis de la houille verte a eu l'idée de se mettre ?»« en quoi ?» scandèrent 30 voix impatientes et excitées. « En pauvre honteux, regardez-le là-bas, dans son coin. »« Formidable !» Le fait est que c'était réussi, presque hallucinant. Assis par terre, dans le coignure d'une porte, col de par-dessus relevé, se faisant tout petit, le marquis de la houille verte se tenait délibérément à l'écart, et ses yeux furtifs et inquiets mimaient magistralement et à ravir. Il eut un succès fou. Mais voilà qu'un grand remous se produisit. L'orchestre musette s'arrêta de jouer et un roulement de tambour avertit les invités que quelque chose allait se passer. Tout le monde reflua en direction de l'estrade des musiciens. Le baron Orvietan de la terrine de Gelmerl monta sur une chaise et réclama le silence. « Mes amis, comment ça-t-il ? J'ai une excellente nouvelle à vous communiquer. Pour la première fois, depuis que nous donnons cette nuit des pauvres, c'est-à-dire depuis de longues années, nous allons pouvoir couronner comme il sied et de manière à contenter jusqu'au plus difficile, au plus blasé de tous ceux d'entre vous qui composent cette brillante assistance. » Il prit un temps, laissant volontairement sa phrase en suspens, puis ajoutant en clignant l'œil, « cette brillante assistance publique, comme de juste. » Cette boutade provoqua une salve d'applaudissements et déchaîna des rires de bon aloi. Et il enchaîna. « Notre nuit des pauvres, tant par l'esprit qui l'anime que par la qualité, le rang et le nom de ses participants, n'a rien de commun, et c'est le mot qui convient, avec toutes les autres nuits de la grande saison d'autres lieux. Nous tenons et avons toujours tenu à vous éviter le traditionnel et habituel défilé de vedettes qu'il est de règle de produire en pareille circonstance. Mais aujourd'hui, alors que nos efforts sont à la veille d'être couronnés de succès et que le gouvernement va enfin ratifier le statut de la reconnaissance des pauvres, ces messieurs du comité et moi avons pensé qu'il vous serait agréable de voir concrétiser à vos yeux l'objet même de nos efforts conjugués et des sentiments généreux qui vous animent toutes et tous. Et c'est pourquoi, mes amis, je vais avoir l'honneur, le très grand honneur et l'infinie satisfaction de vous présenter une attraction sensationnelle et rigoureusement exclusive. Un couple de pauvres, de vrais pauvres, d'authentiques pauvres, en plus d'os que de chair, et qui, cédant à nos affectueuses et paternelles sollicitations, ont bien voulu pour quelques instants être des nôtres. Le baron s'approcha à l'heure du micro et cria « Faites place, s'il vous plaît, dégagez le passage et envoyez les pauvres !» À suivre avec émerveillement et enchantement. Heureux celui qui, ayant fait don de sa personne aux forces supérieures du cœur et de l'esprit, consacre son existence à consoler les régions désolées. Je répète, pour me faire bien entendre, heureux celui qui, ayant fait don de sa personne aux forces supérieures du cœur et de l'esprit, consacre son existence à consoler les régions désolées. A dit le révérend père Paudemurs de la compagnie des messageries dominicaines, dans son fameux sermon sur la montagne de légumes amoncelée sur le carreau des halles de Rungis. C'est en s'inspirant de cet édifiant et fortifiant apologue que le baron Orvietan de la Terrine de Gilmerle, généreux philanthrope et génial organisateur de la Lune des Pauvres, après avoir annoncé à la mondaine et bienfaisante assistance, triée sur le volet, les persiennes et les stores métalliques, l'arrivée sensationnelle et exceptionnelle de deux vrais pauvres, vient de s'écrier au micro « Faites place, s'il vous plaît, dégagez le passage et envoyez les pauvres. Je répète, pour me faire bien comprendre, faites place, s'il vous plaît, dégagez le passage et envoyez les pauvres. » L'orchestre entama une java héroïque, la foule s'écarta et, saluée par des ovations sans fin, les deux pauvres firent leur entrée. C'était vraiment de vrais pauvres, ça se voyait. Les misérables vêtements qu'ils portaient étaient bien à eux et non articles de location. L'homme, qui pouvait avoir une cinquantaine d'années, paraissait sans âge. Grisonnant, d'un gris sale, marqué, raviné, il semblait porter le poids d'une lassitude infinie et du renoncement définitif. La femme présentait les mêmes stigmates et ses mains rouges, déformées par les rhumatismes, disaient assez le genre de labeur auquel elle était astreinte depuis de longues années. Et pourtant il souriait. Ou plutôt, tentait maladroitement d'esquisser un sourire, ces deux pauvres authentiques. Oh, un sourire un peu mélancolique, bien sûr, mais un sourire tout de même. Ce fut une ruée, une bousculade. Ce fut à qui les regarderait, les toucherait, leur parlerait. Les questions pleuvaient, s'entrecroisaient, se chevauchaient. Mais pas le sang bleu! Comment avez-vous fait pour être aussi pauvre? Je ne sais pas, monsieur. Nous l'avons toujours été, nos parents, nos grands-parents l'étaient aussi. Admirable, admirable! Pauvreté héréditaire, maintien des saines traditions, continuité de l'indigence. Les femmes n'étaient pas les dernières à s'enseigner. Vous avez des enfants? Oui, madame, 7. Et vous vivez dans combien de pièces? 2. Mon Dieu, que c'est chou! Bravo, chère petite madame, c'est merveilleux! Toutes mes félicitations! Et le très illustre descendant d'une famille princière. Dites-moi, mon brave, où diable avez-vous fait faire ces extraordinaires souliers éculés? Ils sont sublimes! Je vais en commander 6 paires comme ça, mon bottier. Et quelqu'un d'une voix vivante résuma d'une phrase liminaire le sentiment de tous. Ah, c'est chic d'être pauvre! Le baron Orvietan de la Terrine de Gilmerle approcha alors et épingla sur le veston du pauvre homme la croix des pauvres en récompense de tant d'années de bonne et loyale pauvreté. Cependant que, groupés au pied de l'estrade, 20 jeunes filles du monde entamaient d'une voix pure et cristalline « Pauvreté n'est pas vice » de la vicomtesse de Muraille pour les paroles et du chevalier Roland des Gadoux pour la musique. Et bientôt des cris s'élevèrent de toutes parts « Une farandole, une farandole !» Tous se prirent par la main et organisèrent une ronde endiablée autour du couple de pauvres en sautant et gesticulant, sans toutefois dépasser les limites permises par le code de la bienséance et du bon coup. Émus, l'homme et la femme, immobiles, réalisaient pleinement la grandeur de leurs conditions et se sentaient pris au plus profond d'eux-mêmes d'une immense gratitude à l'égard de ces hommes et de ces femmes au grand cœur et sans qui la pauvreté continuerait tout bêtement et tout platement à n'être que ce qu'elle est. Guy et Sylvain quittèrent l'hôtel de la Roche Tarpeyenne aux premières lueurs de l'aube alors que la fête battait son plein. « Belle soirée, dit Guy. Oui. Et combien édifiante, dit Sylvain. Quelle leçon, quel exemple. Quand nous serons de retour à Paris, il faudra essayer, avec l'appui de mardi 8h, d'en organiser une semblable. Aucune chance, dit Sylvain, sceptique. Du côté d'ici, on n'est pas encore suffisamment évolué. À suivre, avec allégresse animale et végétale. » Guy et Sylvain ont regagné leurs appartements, profondément émus et littéralement éblouis par ce qu'ils venaient de voir et d'entendre à l'extraordinaire et sensationnelle Nuit des Pauvres. Sur quoi, après s'être déshabillés, mouchés, douchés, et être allés pisser ensemble en trinquant de concert, conformément aux dispositions de l'article 2 bis du plan trinquennal urinaire, ils se couchèrent et s'endormirent bientôt du sommeil du juste, de l'exact et du précis, en faisant de beaux rêves humanitaires et de jolis songes de noble charité mondaine, admirative et verbale. Vers 11h, Léon Lamigraine les appela au téléphone. « Allô les gars, fit-il, comment ça va ?»« Bien, dit Guy, un peu mal au crâne, mais rien de grave. Alors, et sais-tu des pauvres, ça s'est bien passé ?»« Au poil, dit Sylvain. Et vous, mon vieux au club ?»« Du tonnerre, formidable, 100 nouveaux adhérents. La doctrine se répand, ça fait tache d'huile. Façon de parler, Liguier. Ouais, ouais, vous pouvez toujours blaguer. N'empêche que bientôt, il faudra compter avec nous. Nous devenons une force. Ah, et puis, il faut que je vous dise, il est question de créer une section féminine. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, dit Sylvain, c'est délicat, faut voir. Entre nous, hein, une section féminine au CDO, ça me paraît, enfin, comment dirais-je, enfin, ça demande du doigté. C'est même la seule chose qui importe, rigola Léon. Enfin, on verra. Ah, dites donc, les gars, ça vous dirait rien d'aller faire un petit tour à la campagne? Ok, hurlèrent-ils d'enthousiasme. Bon, ça marche, je passe vous prendre en voiture, dans une heure. Je vous emmène à Bouilly-les-Angelures. West Bled, s'enquit Sylvain. À une trentaine de bornes d'autres lieux, sur les bords de la Smoule. Vous verrez, c'est charmant. Et puis ça vous donnera l'occasion de faire la connaissance de Théodore Legdu. Qui c'est ça, Théodore Legdu? Le directeur de la grande brasserie d'affaires. De la grande brasserie d'affaires. Oui, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Salut, et à tout de suite. Ils s'arrêtèrent en route pour déjeuner à l'auberge du Puby Flamboyant. Auparavant, Léon leur avait proposé de se restaurer dans ce bistrot qui annonçait « Ici, on mange comme chez soi ». Alors, si c'est pour manger comme chez moi, objecta Guy, c'est pas la peine d'aller chez les autres. Et ils avaient atterri à l'auberge du Puby Flamboyant, 2 kilomètres plus loin. Bonne maison, le Puby Flamboyant. Et bonne cuisine. Ils se régalèrent d'un syndic au beurre blanc, spécialité qui a fait la réputation de cette auberge. « Excellente, syndic au beurre blanc. Un peu lourd, peut-être, mais bon, à condition d'être bien préparé. Et à l'auberge du Puby Flamboyant, on sait l'accommoder. La recette en est d'ailleurs fort simple. On prend un syndic, moyen, ni trop vert, ni trop mûr, mais avec l'orgnon. On l'épluche soigneusement et on le fait cuire au courbouillon ou au bourcouillon. Ensuite, on prend un bon kilo de beurre noir, qu'on peint en blanc à la peinture au couteau. On en arrose le syndic, préalablement égoutté. On sale, on poivre et on sert sur l'île de justice avec garniture de scellé et salade de concordat. C'est pas sorcier, comme on voit, seulement il faut la manière. Et le chef de l'auberge du Puby Flamboyant la possède magistralement. Les trois amis n'en laissèrent pas une miette. Puis, ils repartirent en direction de Bouilly-les-Angelures. Pendant le déjeuner, Léon Lamigraine avait expliqué à ses copains ce qu'était Théodore Legdu et sa brasserie d'affaires. Théodore Legdu, avait-il dit, est un type astucieux. En voyant des gens se donner un mal de chien pour brasser maladroitement leurs affaires, l'idée, un jour, lui vint d'appliquer ce genre de travail, le principe de la brasserie de bière. Si on brasse de la bière, se dit-il, aucune raison pour qu'on ne puisse pas faire industriellement du brassage d'affaires. Et ils font là sa brasserie. Et ça marche, avait demandé Guy. Merveilleusement, mais Théodore Legdu est un sage. Il n'exagère pas, il ne se laisse jamais déborder, comme il aime à dire, qui trop embrasse, à suivre avec application, mais sans ostentation. Léon Lamigraine, après avoir fait à Guy et à Sylvain un topo sur Théodore Legdu et sa grande brasserie d'affaires, les emmène à Bouilly-les-Angelures, où se trouve l'entreprise en question que dirige le Legdu en personne. La grande brasserie d'affaires de Bouilly-les-Angelures est située au bord même de la Smoule. C'est un grand bâtiment sobre, quoique d'aspect engageant. Au-dessus de la grande porte d'entrée, la raison sociale. Grande brasserie d'affaires de Bouilly-les-Angelures. S-A-R-L-D-E. Qu'est-ce que ça veut dire, S-A-R-L-D-E? Demanda Sylvain. Société à responsabilité limitée aux dégâts des eaux, expliqua Léon. Et tout récent. Il y a 6 mois encore, c'était une société anonyme au capital de 10 millions entièrement versé DLP. DLP? Oui, entièrement versé dans la poche. Dans la poche de qui, Figui? Oh, vous le demanderez à Théodore Legdu, rigola Léon. Presque toute la population de Bouilly-les-Angelures est employée à la grande brasserie d'affaires. D'après la création de l'entreprise, tout le monde, à Bouilly-les-Angelures, est brasseur d'affaires de père en fils, même dans les ménages sans enfants. Et chacun y gagne bien sa vie. Théodore Legdu, que Léon Lamigraine avait fait prévenir, attendait les trois amis dans son bureau directorial. Léon fit les présentations. Théodore Legdu, capitaine d'industrie réserve. Guy Lanneuve, Sylvain et Thierry, de mardi 8h. Tout le monde s'embrassa affectueusement. « Alors, comme ça, dit Sylvain, vous êtes brasseur d'affaires. »« Mon Dieu, oui, répondit Théodore, dans sa langue maternelle qui, heureusement, était la même que celle des deux reporters. « Et comment ça se passe ?» demanda Guy curieux. « Eh bien voilà, venez par ici. » Ils passèrent dans un hall vitré, dont les vitres étaient remplacées par du contreplaqué. Il y régnait donc une atmosphère lourde et épaisse. Dites donc, mon cher directeur, dit Guy en humant, ça ne sent pas très bon dans ce coin. Ah, ça, n'est-ce pas? Les affaires? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ici, c'est l'atelier de triage, où les affaires à brasser sont soigneusement et méticuleusement triées, comme vous le voyez faire à ces trieuses en action. Les bonnes affaires à droite, les moyennes au centre et les mauvaises à gauche. Les affaires véreuses sont l'objet de soins tout particuliers. Des spécialistes les mirent à la loupe et les plongent ensuite, s'il y a lieu, dans des bacs contenant une solution vermifugée qui anéantit les parasites. Et maintenant, messieurs, au centre de brassage. Faites simplement deux pas en avant, c'est dans cette même salle, mais au milieu, d'où son nom de centre de brassage. C'est la phase la plus délicate. Les affaires triées sont amenées au centre dans des sacs à viande et jetées dans cette cuve où stagne un liquide limoneux à base d'immondices et de déchets sociaux. À présent, messieurs, regardez bien, vous allez voir les brasseurs d'affaires en plein effort. Jugez vous-même, car, en ce qui me concerne, tout commentaire devient superflu. Le spectacle valait en effet la peine d'être vu. Nus du menton jusqu'à la base du cou, les brasseurs d'affaires, armés de solides gourdins et de pelles à pellicule, plongeaient leurs bras dans tout ce magma et brassaient avec ardeur, jusqu'à ce que les affaires traitées prennent la consistance d'une sorte de gélatine visqueuse à l'aspect quelque peu répugnant. « Voilà, reprit Théodore Lockdue, le brassage est virtuellement terminé. Il ne restait plus qu'à découper cette pâte ainsi obtenue en tranches inégales, les grosses et les petites affaires, à les envelopper dans du papier en tête, à les passer à la manutention, puis enfin au service commercial, qui s'emploiera alors à diriger ses affaires ainsi brassées, donc propres à la consommation, auprès des hommes d'affaires spécialisés qui s'occuperont de les mettre en circulation. » Guy et Sylvain félicitèrent longuement Théodore Lockdue. « À votre disposition, messieurs, est-il besoin de vous le dire, au cas où vous auriez une affaire à brasser ?»« Moi, dit Léon, j'en ai bien une, mais je la brasse moi-même. » »« C'est une obsession, fit Guy. » Ils embrassèrent une nouvelle fois Théodore Lockdue et prirent congé de cet excellent homme. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» dit Sylvain. « Eh ben, je vous proposerai bien d'aller au bordel, dit Léon. »« Excellente idée, dit Guy. » Et Léon les emmena au saladier fleuri, où, pour la modique somme de 177,85 francs, toutes taxes, services et serviettes Japon comprises, heureux pays, des étalliers campagnards leur firent éprouver de rustiques sensations avec de la terre à poil, fantaisie régionale et exclusivité de la maison. À suivre, en prenant garde à ne pas louper la suite. Rien de ce qui est commencé n'est entièrement achevé tant que tout n'est pas complètement terminé. François Coppé. La grande saison d'Autre-Dieu se termine invariablement le 30 juin par la nuit du gouverneur qui en marque le terme et la conclusion. C'est une très grande nuit, officielle et protocolaire, comme il se doit, et qui est offerte aux personnalités et aux notables d'Autre-Dieu par son Excellence Alexandre Leyan et Madame née Agrippine Lachtrabuc. C'est évidemment un peu collé monté, la tenue de soirée est bien entendu de rigueur, mais la conception de la tenue de soirée à Autre-Dieu est assez différente de l'idée qu'on s'en fait du côté d'ici, tout au moins pour la nuit du gouverneur. Elle est laissée cette nuit-là à l'initiative personnelle, suffisamment évoluée pour ne pas commettre d'impair ni de faute de goût, et le spectacle y gagne en diversité et en couleur. Le bleu de chauffe rivalise agréablement avec l'habit à manches courtes, le smoking et le pantalon facultatif avec la robe du soir, et le porte-jartel en nylon climatisé avec la jupe relevée en torsade jusqu'aux narines. Bref, une belle élégante chambrée, une soirée d'une haute tenue digne de sa réputation. Programme classique, orchestre réputé, série de danse, coupé d'attractions de choix, buffet somptueux, fleurs offertes aux dames et sucettes aux messieurs. L'entrée sur invitation est naturellement gratuite, mais on paye 75 francs pour sortir, histoire d'amortir un peu les frais. C'est dire que l'assistance, soigneusement triée sur le volet, n'est composée que du dessus du panier et de la haute société. Mais le populaire n'en est pas pour autant négligé ni oublié, bien au contraire. Et son Excellence Alexandre Leyan, créateur de l'année du gouverneur, a le profond souci de respecter une tradition qu'il a lui-même instaurée depuis 20 années consécutives que se déroulent les phases de cette nuit. À minuit précis, Agrippine Leyan, sa femme, vient montrer son derrière à la foule massée sur la place du gouvernement. Et depuis 20 années, la tradition a été fidèlement respectée, sans le moindre accroc ni la moindre lacune. « Le derrière d'Agrippine, m'a déclaré le gouverneur, c'est le trait d'union entre le peuple et moi. » Or donc, cette année-là, comme les années précédentes, la place du gouvernement était aux premières heures de la soirée, envahie par une foule compacte, venue pour assister à l'événement consacré par l'usage et la tradition. Vers 23 heures, on dénombrait plus de 30 et 40 000 personnes. Mais précisément cette année-là, la cérémonie revêtait un caractère particulièrement émouvant. Comme il l'a été relaté précédemment, et le public en avait eu vent, Madame Leyant, depuis un certain temps, et contrairement à son habitude, ne montrait plus, pour ainsi dire, son derrière aux réceptions du palais ou dans les soirées privées. C'était, ainsi qu'il a déjà été dit, un signe de mauvaise santé et de déséquilibre glandulaire. Or, nul ne savait, parmi la population d'autres lieux, où en était la déficience de Madame Leyant. Était-elle encore souffrante ou était-elle guérie? Le palais avait observé à ce sujet un silence qui autorisait toutes les suppositions. Aucun communiqué. Blackout total. Aussi, cette nuit, sur les 30 ou 40 000 personnes qui se pressaient devant le palais, une sourde angoisse planait lourdement. Le montrera-t-elle? Ne le montrera-t-elle pas? C'était la question que chacun se posait anxieusement. Les bruits les plus contradictoires, les plus farfelus circulaient sans que rien puisse les confirmer ou les infirmer. D'aucuns qui faisaient les renseigner allaient jusqu'à insinuer que Bethsabée Leyant remplacerait sa mère, toujours indisponible, au postérieur levé. À la vérité, personne ne savait rien de précis. Mais, d'heure en heure, l'émotion grandissait, aggravée par le doute et la cruelle incertitude. Enfin, on n'allait pas tarder à être fixé. À 23h45, la surexcitation était à son comble. Une houle sonore et grondante montait de la foule, partagée entre l'espoir et la crainte d'une amère déception. À 23h50, d'énormes projecteurs aux lentilles multicolores s'allumèrent et centrèrent leurs faisceaux sur le balcon d'apparat du palais. À 23h58, des héros d'armes prirent position de chaque côté de la grande fenêtre centrale. Un silence prodigieux succéda à la rumeur populaire. Et un silence observé par 30 ou 40 000 personnes, ça fait du bruit. On entendait distinctement le halètement de toute cette masse, littéralement à bout de nerfs. Minuit moins deux, minuit moins une, minuit. Le bourdon du palais, dit bourdon du gouverneur, fit entendre sa voix grave et grognant l'heure fatidique. Au 12e coup, les deux battants de la monumentale porte-fenêtre de la loggia d'honneur s'ouvrirent lentement, cependant que le fracas des fanfares se déchaînait subitement. Les héros présentèrent les armes, et, dans une apothéose de gloire et de lumière, étrangement bigarrée sous le faisceau multicolore des projecteurs, irréel et pourtant bien présent, le derrière d'Agrippine Leyant apparut au regard extasié de la foule en délire. Ce fut comme une délivrance. Une ovation indescriptible monta, déferla comme un monstrueux hommage vers l'hémisphérique apparition. Des hommes, des femmes, des vieillards pleuraient de joie et de reconnaissance. Un vieux militaire, décoré par les 8 ans, il en existe une filiale à autre lieu, s'évanouit, terrassé par un excès de bonheur. On criait jusqu'à la folie, « Vive le cul d'Agrippine, longue vie à ses fesses !» Comme il a l'air ému, s'écria un bourgeois. « Et d'avoir le trac, » ajouta sa femme. « Y a de quoi, » dit un artiste. Et ça rentrait en quelque sorte. Comme toujours et forcément, quelques rares notes discordantes. Trois vieilles filles, vertes de jalousie et jaunes de désir refoulé, exhalaient leur bile et leur fiel. « Il a maigré, » dit l'une, « et vieilli, » renchérit l'autre. « Il a bien moins bonne mine que l'an dernier, » glapit la troisième. « J'avais des fesses comme les tiennes, » dit à cette dernière un ouvrier indigné. « Oserais pas m'asseoir dessus. »« T'as raison, » approuva un de ses copains. « Et des fesses à décourager un pliant. » Agrippine Leyant, toujours dans la même posture, dut revenir saluer plus d'une quinzaine de fois. Puis les fanfares firent retentir une dernière sonnerie. Les projecteurs s'éteignirent, les fenêtres de la loggia se refermèrent et la foule lentement s'écoula, commentant passionnément l'événement, dans l'enthousiasme généreux d'un peuple communiant unanimement, dans le même sentiment de gratitude infinie. À suivre, en se demandant ce qui va se passer après ce qui vient de se produire.